bien, mademoiselle? Êtes-vous instruite? À qui vous marie-t-on? À lui, ma chère Lisette. À lui-même. Et je l'attends. À lui, dites-vous. Et quel est donc cet homme qui s'appelle lui, par excellence? Est-ce qu'il est ici? Mais tu as dû le rencontrer. Il va trouver ma mère. Je n'ai vu que Monsieur Lucidor. Et ce n'est pas lui qui vous épouse. Mais si fait. Voilà 20 fois que je te le répète. Oh, si tu savais comme nous nous sommes parlé. Comme nous nous entendions bien sans qu'il ait dit « c'est moi », mais cela a été si clair, si clair, si agréable, si tendre. Je ne l'aurais jamais imaginé. Mais le voici encore.